Chapitre 4e, course-poursuite. Pendant ce temps, avec Paul, nous avons déposé notre canoë, les pagaies, les gilets de sauvetage et les casques sur la plage. À notre tour, nous avons grimpé sur le pont, mais nous sommes restés cachés. Nous avons seulement fait un petit signe aux filles pour qu'elles sachent que nous sommes prêts. Anne nous aperçut dans le rétroviseur. Elle met brusquement le moteur de la Jeep en route, passe une vitesse et embraye aussitôt. Le beau brun, qui ne pense qu'à sa chance d'être en si bonne compagnie, relève la tête surpris. Il interpelle Anne, mais il n'a pas le temps de réagir. Violemment bousculé par Sylvie, il bascule en arrière et dégringole la pente broussailleuse sans comprendre ce qui lui arrive. Son collègue intello met quelques secondes à réagir. Il se redresse et se rapproche de la route avec l'énergie de celui qui a peur de prendre un mauvais coup et qui sait d'avance qu'il ne pourra rien faire. Dompté par Anne, la Jeep a bondi en avant sur la route. Un coup de frein et elle repart en arrière vers le pont. Au passage, Sylvie se jette à plat ventre sur le capot. Pas le temps de faire le tour pour monter s'asseoir sur un siège. Le gars qui s'est fait bousculer dans les ronces hurle toutes les insultes qui lui viennent. L'autre arrive au bord de la route quelques secondes trop tard. Il a bien calculé son coup. Le moteur hurlant, la Jeep franchit le pont en marche arrière à toute vitesse, frôlant les parapets. À l'autre bout, elle fait un tête-à-queue dans un violent dérapage, parfaitement contrôlé. Sylvie descend du capot l'air furibarde et prend place à côté d'Anne, tandis qu'avec Paul, nous embarquons par l'arrière avec les sacs en 2 secondes. La Jeep repart aussitôt, en avant cette fois. « Vous auriez pu me prévenir que le capot était brûlant ?» hurle Sylvie. « Je me suis jeté dessus pratiquement nu. Je me suis cramé les seins, le ventre et les cuisses. Et puis tu as failli m'éjecter avec toutes tes acrobaties. Je ne savais plus à quoi me tenir. » lance-t-elle furieuse à Anne, qui conduit toujours aussi vivement. « Anne, dis-nous !» hurle Paul pour couvrir le bruit du moteur. « Tu fais des rallyes tous les week-ends depuis que tu as 5 ans ?»« Je n'ai jamais fait de rallye. » Mais mon père avait racheté une Jeep Willys comme celle-ci pour la restaurer et en faire un véhicule de collection. Mais vu toutes ses activités, il n'a jamais eu le temps de s'en occuper. Mes 2 frères, qui bavaient d'envie devant ce gros jouet, lui ont demandé l'autorisation de le faire à sa place. En fait, ils ont rafistolé un peu la mécanique et ont commencé à rouler avec. Petit à petit, ils se sont lancés dans toutes sortes d'acrobaties et j'ai appris avec eux. Qu'est-ce qu'on a pu s'amuser avec cette Jeep ? On avait même installé un tremplin en bois pour faire des sauts. En tout cas, parfaite ta démonstration. Un cascadeur professionnel n'aurait pas fait mieux. Mais vous n'avez pas tout vu. Attendez que je nous mette sur 2 roues. Ça ne sera pas la peine, on te croit, rugit Sylvie. Bravo aussi à Sylvie pour la façon dont elle a embobiné son beau soldat et comment elle s'en est débarrassée, rajoute Paul. C'était facile. Il était au bord du vide et il regardait mes seins. C'est Anne qui l'a distrait en faisant l'andouille avec la Jeep. Bravo à tous. Notre plan était bon et il a été exécuté par de vrais pros. Je voudrais bien entendre le rapport que nos 2 soldats du plastron vont devoir faire à leur supérieur, dit Paul en dépliant la carte sur ses genoux. Anne, arrange-toi pour tourner dans un petit chemin. Je voudrais faire le point, qu'on planifie avec soin notre itinéraire. Anne se garde derrière un énorme tas de billes de bois. Paul se penche sur la carte dépliée sur le capot. Il choisit le parcours qui paraît le plus adapté pour nous éviter de mauvaises rencontres. Sylvie se caresse ses parties charnues un peu rougies, et moi je découvre sous les sièges de la Jeep 2 boîtes de rations intactes. C'est une excellente aubaine, car nos sandwiches de midi sont digérés depuis longtemps, et de nouveau nos estomacs crient famine. La Jeep est équipée d'une radio, nous entendons toutes les conversations du plastron. À travers les messages qui s'échangent, nous pouvons suivre son activité et deviner les points qu'il surveille. Paul nous propose de nous écarter de la Devon côté est. Le plastron paraît disposé presque uniquement rive gauche, à l'ouest. Alors nous remonterons le plus haut possible vers le nord, puis nous reviendrons vers la Devon au niveau du confluent. Alors il nous faudra trouver un moyen pour franchir la Loire. Si nous pouvons faire toute cette dernière partie en jeep, ce serait génial. Non seulement nous avancerons rapidement et sans fatigue, mais nous arriverons sur la Loire bien avant les prévisions les plus optimistes du plastron. Nous serons presque arrivés alors qu'ils nous croiront encore en train de marcher, épuisés, dans les sous-bois. Après cette pause rapide, nous repartons. Anne, très à l'aise dans la conduite de la Jeep, garde le volant et Paul à ses côtés la guide. la carte sur les genoux. Derrière, avec Sylvie, nous n'avons rien à faire. Nous somnolons. Nous tâchons de passer inaperçus en circulant à travers les forêts ou sur les routes les moins fréquentées. Nous roulons pendant presque une heure sans aucune alerte. Jusque-là, tout va bien. Mais il nous faut passer par le bourg de Chavigny. D'après la carte, ce serait un peu compliqué de l'éviter. Nous décidons de prendre ce risque en pensant que le plastron ne sait toujours pas que nous circulons avec une de leurs jeeps. Si nos deux amis du pont avaient pu prévenir, la nouvelle se serait répandue et nous l'aurions entendue à la radio. Nous attaquons une longue côte qui monte tout droit vers le col des Vernes. D'après la carte, la route redescend ensuite sur 500 mètres et entre dans Chavigny. La côte est raide et, suivant une file de voitures précédées d'un camion, nous arrivons au col à petite vitesse. C'est là, tout en haut, que nous voyons trop tard la fourgonnette des gendarmes garée sur le bas-côté à l'amorce d'un petit chemin. Aussitôt qu'il nous voit, le gendarme de faction au bord de la route nous fait signe de nous arrêter. Anne se range, stoppe le moteur, difficile de faire autrement. J'ai juste le temps de couper la radio. « Et merde !» grogne Paul. Mais nous pensons tous comme lui. « Gendarmerie française, votre permis de conduire et les papiers du véhicule, s'il vous plaît. » Paul se penche et trouve le livre de bord de la Jeep. Mais Anne n'a évidemment pas son permis sur elle. Comment se tirer de là ? Comme je l'avais remarqué, il s'agit bien d'un véhicule militaire. Comment se fait-il qu'il soit utilisé par des civils en tenue de plage ? Demande pertinemment le gendarme. En fait, se lance Sylvie, c'est la Jeep de mon oncle. Il nous l'a prêtée pour aller nous baigner. Nous lui avons promis de passer par les petits chemins. Mais au retour, nous nous sommes perdus dans les bois et nous avons pris la route pour nous en sortir. Le deuxième gendarme sort de la fourgonnette et, comprenant qu'il est en présence de clients un peu particuliers, rejoint son collègue pour participer à l'interrogatoire qui se poursuit. Quels sont le nom et l'unité de votre oncle ? Excusez-moi, mais je ne voudrais pas lui attirer des ennuis. Si vous voulez lui éviter des ennuis, il vaudrait mieux tout nous dire. Bon, c'est Gérard Chalin, enfin le commandant Chalin. Sylvie a carrément donné le nom de notre commandant. Ainsi dira-t-elle, je n'ai menti qu'à moitié, et s'ils font des recherches, ils verront qu'il existe réellement. À l'annonce du grade, le gendarme se radoucit un peu. Je vais voir si je peux arranger ça. Ce n'est pas très régulier de prêter un véhicule militaire à des civils. Mais si je peux contacter votre oncle au téléphone, on tâchera d'en rester là. Tenez, dit Paul, voilà la carte d'état-major qu'il nous a prêtée. Il y a son nom écrit là. Le gendarme prend la carte et vérifie le nom, puis il nous dit « Bon, descendez de la Jeep et venez attendre près de la fourgonnette pendant que je vérifie votre histoire. Désolé de vous faire attendre, mais je suis obligé de vérifier, c'est notre métier. » Les deux gendarmes montent dans leur véhicule et se mettent à téléphoner. Nous attendons debout, derrière leur fourgonnette. Paul dit « C'est trop bête. C'est la seule erreur que nous ayons faite, et elle risque de nous coûter cher. Nous aurions dû nous remettre en treillis tout de suite. Un véhicule militaire conduit par des militaires, rien de plus normal. Les gendarmes ne nous auraient jamais arrêtés. Qu'est-ce qu'on fait ?» Après une minute de silence, Paul, qui est en pleine réflexion, répond « Nous sommes en fuite. Pas question d'aller passer la nuit au poste. Il faut se tirer. Et le plus vite sera le mieux. » Christophe, peux-tu aller récupérer discrètement les sacs dans la Jeep ? Arrange-toi pour que ça n'ait pas l'air d'un déménagement. Je rapporte toutes nos affaires, civiles et militaires, tassées dans le plus gros des sacs. J'abandonne seulement nos quatre paires de Rangers. Ça ferait vraiment trop déménagement. En longeant la fourgonnette des gendarmes, je trouve le culot de m'arrêter et de leur demander « Alors, vous avez réussi à le joindre ?»« Non, pas encore. La procédure est toujours un peu longue, mais nous devrions y arriver. » Nous restons tous les quatre debout à attendre en nous creusant la tête pour trouver l'idée qui nous ferait disparaître d'ici, à la barbe des gendarmes. Au bout d'une dizaine de minutes, Paul dit tout à coup « Surtout ne vous retournez pas tous en même temps, mais je vois notre idée qui arrive. » Un gros camion halète dans la montée, suivi d'une vingtaine de véhicules qui, faute de visibilité, ne peuvent le doubler. Il rétrograde encore et arrive vers nous à très faible vitesse. C'est un semi-remorque transport d'engins avec une énorme pelle mécanique sur la remorque. Il arbore une banderole « Transport exceptionnel ». Dès qu'il est à notre hauteur, on court et on grimpe sur la remorque, d'accord ? L'opération se déroule parfaitement quand la remorque passe devant nous. Paul dit « Go !» et tous les quatre nous courons et sautons sur le plateau surbaissé. Occupé à relancer son camion dans la descente, le chauffeur n'a sans doute rien vu. Le camion reprend rapidement de la vitesse et fonce vers l'entrée de Chavigny. Les gendarmes mettent un peu de temps à réagir. Ils ne nous ont peut-être pas vus tout de suite. Pourtant, on finit par apercevoir au loin la fourgonnette qui déboîte pour nous poursuivre. Seulement, il y a toute une colonne de véhicules à doubler pour nous rejoindre, et c'est impossible à cause des véhicules dans l'autre sens. Nous entrons dans le bourg. Le camion ralentit et fait hurler ses freins pour s'arrêter au feu qui vient de passer au rouge. Dès l'arrêt, nous sautons à terre, mais du côté gauche, au milieu de la chaussée. Nous finissons de traverser la rue en nous faisant klaxonner. Pourtant, nous sommes sur un passage piéton. En courant, nous enfilons la rue transversale. À la première intersection, Paul nous entraîne à gauche, dans une rue plus calme, et nous fait abandonner la course pour la marche paisible d'honnêtes citoyens. En marchant, nous fouillons dans le sac et enfilons tous les vêtements qui peuvent nous faire changer d'allure. Ainsi, Sylvie, qui courait en maillot de bain rouge, marche maintenant avec un short et un t-shirt bleu. Anne a mis une veste blanche sur son débardeur et change sa coiffure en se faisant une sorte de chignon au-dessus de la tête qu'elle couvre d'une casquette. Je passe mon short à Paul et il enfile sa veste de treillis en ayant soin d'en supprimer tous les insignes. Il la porte largement ouverte sur son torse nu. Moi-même, je mets mon pantalon de treillis avec un t-shirt vert pomme taché, barré du mot anarchie en grosses lettres noires. Je mets une casquette, Sylvie un bob sur ses cheveux courts. Notre sac à dos beige, qui était bien gonflé, se cache maintenant dans un bleu nettement plus plat. À l'intersection suivante, nous tournons encore à gauche, ce qui nous ramène dans l'avenue où nous avons sauté du camion. « Il faut nous séparer en deux couples et traverser, » commente Paul. « Les gendarmes vont nous chercher du côté gauche, puisqu'on nous a vu partir de ce côté. En face, nous serons tranquilles. » Paul et Sylvie traversent, tandis que je regarde une vitrine avec Anne. Quelques minutes plus tard, nous traversons un autre tour. J'aperçois un peu plus loin dans l'avenue la fourgonnette des gendarmes stationnée au feu qui gêne la circulation. Je ne peux m'empêcher de me retourner, mais non, aucun képi ne nous suit. Après avoir traversé, nous poursuivons en face de nous la rue transversale, puis nous reprenons deux fois à gauche, ayant fait le tour du pâté de maison, nous nous retrouvons au feu, à l'endroit même où nous avons sauté du camion. Seulement, nous sommes maintenant du côté droit du carrefour, alors que tous les témoins nous ont vu sauter et partir vers la gauche. À cet instant, deux autres véhicules de gendarmerie arrivent, sirènes hurlantes, et gyrophares allumés. Ils se garent comme ils le peuvent et foncent aider leurs collègues, toujours du côté gauche de l'avenue. Nous nous sentons soulagés. Nous sommes toujours séparés en deux couples, ce qui est beaucoup moins repérable qu'un groupe de quatre. Paul et Sylvie entrent dans un café qui fait l'angle au feu. Assis à une table en terrasse, ils observent l'activité des gendarmes comme tous les autres consommateurs. Paul jubile. Il nous a sortis presque facilement d'une situation inextricable et maintenant il se paye le luxe de s'installer aux premières loges pour jouir de l'effet de son stratagème. J'ai oublié de dire que Paul a réussi à passer un peu d'argent caché dans une doublure à la fouille. Il a donc de quoi payer les consommations. Avec Anne, nous entrons dans un magasin de vêtements pour touristes. Il y a de tout là-dedans, du plus classique au plus extravagant. Anne essaye diverses tenues que, bien entendu, nous n'avons aucune intention d'acheter, vu que nous n'avons pas d'argent sur nous. Cela nous amuse et nous occupe un bon moment. Mais il va bien falloir sortir de ce magasin, et alors, que pourrons-nous faire? C'est alors que j'entends comme une sorte de musique bien connue à laquelle je ne prête d'abord pas attention, mais qui petit à petit fait son chemin dans mon cerveau un peu bousculé depuis 24 heures. Ce sont des cloches. Et ces coups de cloche répétés, c'est l'annonce d'une messe qui va commencer. Je réalise alors que nous sommes samedi soir, qu'il est logique qu'il y ait une messe un samedi soir et que l'église est sûrement un excellent endroit pour nous cacher, car nous ne pouvons pas sortir de la ville tant qu'elle grouille de gendarmes. L'église, j'en ai aperçu le clocher tout à l'heure en arrivant. Elle doit être une ou deux rues plus loin, et heureusement pour nous, du bon côté de la rue principale. Nous sortons du magasin en remerciant la vendeuse. « Merci, madame, nous allons réfléchir. » Et j'envoie Anne faire un petit signe à nos amis devant le café. Nous nous retrouvons quelques minutes plus tard dans une petite rue qui semble mener à l'église. Paul trouve l'idée bonne et nous suivons la ruelle pour rejoindre la messe qui doit certainement commencer. Nous finissons par déboucher sur une grande place qui entoure l'église. Et pour accéder à cette place, nous franchissons un ruisseau. À notre droite, nous voyons l'eau arriver tranquillement entre deux murets de pierre. Mais à gauche, plus de ruisseau, seulement un parking. L'eau s'enfile dans un souterrain qui doit lui faire traverser la ville. Sûrement ce ruisseau doit rejoindre la Devonne à quelques kilomètres de là. Et comme le souterrain semble partir vers le nord-ouest et que c'est notre direction, nous échangeons un regard de connivence avec Paul. Pourquoi ne pas utiliser ce souterrain pour sortir incognito de la ville et nous laisser guider ensuite par le ruisseau jusqu'à la Devonne? En quelques pas, nous franchissons la barrière et nous descendons vers l'entrée du tube bétonné. Il va falloir avancer courbé en deux, et les pieds dans l'eau. Ce n'est pas le plus grave, mais j'ai peur qu'on tombe sur une grille ou un rétrécissement. Moi, c'est plutôt la sortie qui me fait peur. Imagine qu'on débouche sur un genre de toboggan ou dans une mare. On peut aussi se retrouver dans un jardin particulier avec des chiens ou dans la cour de la gendarmerie. J'ai bien peur que sans lampe ce soit un peu trop risqué, conclut Paul. Et comme personne n'a l'air très enthousiaste, nous allons réfléchir à d'autres solutions en écoutant la messe. On pourra toujours revenir pour tenter le passage un peu plus tard, si on ne trouve rien d'autre. C'est ainsi que nous entrons à l'église de Chavigny pour assister à la messe avec un peu de retard. Quelques mamies, en retard elles aussi, arrivent en trottinant et nous regardent de travers. Qu'est-ce que c'est que ces jeunes hippies qui viennent à la messe habillés n'importe comment? Une fois dans l'église, j'aperçois un escalier qui prend tout de suite sur la gauche. Aussitôt, je murmure aux autres qui m'ont l'air un peu perdu. « Par ici. » Nous montons à la tribune. Coup de chance, il n'y a personne. C'est parfait. Nous aurons ainsi moins de chances de nous faire repérer. En bas, dans la nef, sur les premiers bancs, est installée une troupe de scouts. Je les repère tout de suite, ayant été moi-même chef scout. Il y a une trentaine de garçons et deux chefs. Je me dis qu'ils se tiennent plutôt bien. Paul se penche vers moi et me chuchote. On sortira dans les derniers pour ne pas trop se faire remarquer. Mais il faut qu'on trouve une idée, soit pour dormir ici, mais on n'a pas trop le temps, soit pour sortir discrètement de ce patelin. Mais le souterrain ne me dit rien, il faut qu'on trouve autre chose. Écoute, Paul, on est dans une église. Le prêtre célèbre la messe. Tu veux bien me laisser prier tranquillement? Pardon, excuse-moi, je ne te savais pas, Bigot. Je suis croyant. Bon, bon, je te laisse. À ce moment arrive une famille nombreuse qui, très en retard, monte nous rejoindre à la tribune. Le père s'isole dans un coin tout devant et se désintéresse totalement de sa famille pour se concentrer sur ce qui se passe en bas dans la nef et le chœur. La mère ferme les yeux et se recueille, oubliant volontairement tout ce qui l'entoure. À sa droite et à sa gauche, deux fillettes se chipotent et se lancent dans un concours de grimaces en se servant de leur mère pour se cacher l'une de l'autre. De leur côté, trois jeunes garçons se jettent à plat ventre sous le banc pour faire rouler leur petite voiture. Sylvie, écrasée par la fatigue, a du mal à garder les yeux ouverts. Affaissée sur son banc, elle somnole tranquillement. Mais l'arrivée de la famille la réveille, et les deux petites filles la font craquer. Elle commence par leur adresser quelques grimaces pour attirer leur attention, puis leur fait signe de s'approcher. Assez rapidement, elle se retrouve avec les deux fillettes sur les genoux. Toutes les trois se confient des secrets avec des mines de conspiratrices, comme si elles étaient des amies de toujours. La plus grande lui chuchote. « Je n'ai pas le droit de te le dire, mais je te le dis quand même. Comme j'ai joué dans l'eau, ma culotte était toute mouillée. Maman a dit qu'elle n'en avait plus de propre pour moi. J'ai dû en mettre une de ma sœur. Ça ne se voit pas trop. J'aurais préféré une de ma mère, mais elle n'a pas voulu. » Paul et Anne s'occupent alors de récupérer les petites voitures qui roulent plus loin que prévu et s'égarent sous les bancs et dans les recoins de la tribune. Mais petit à petit, ils y prennent goût et ils finissent par se retrouver à quatre pattes avec les petits garçons, essayant de les convaincre de mettre un silencieux à leur moteur et tâchant de régler au mieux les problèmes de circulation et les disputes qui risquent de s'envenimer. Le père est toujours dans son coin au bout du banc. Je jugerais qu'ils sont en pleine crise conjugale. La mère jette un œil autour d'elle toutes les 10 minutes et voyant qu'aucun enfant ne court de graves dangers, retourne à sa prière ou sa prostration. Pendant le sermon, je vois un des chefs se retourner pour faire une remarque à un scout derrière lui qui doit s'agiter un peu trop. Mais c'est Xavier. Je reconnais ce chef avec qui j'ai fait un camp de formation il y a 2 ans. Il n'a pas changé avec ses grosses lunettes et sa tignasse qui pousse en tous sens. Je ne peux pas me tromper. Mais alors, si sa troupe est en sortie ce week-end, ils vont sûrement pouvoir nous aider à sortir de la ville. Il ne me refusera pas ça. J'essaie de me concentrer sur le sermon du prêtre, mais c'est peine perdue. Je vois dans ma tête des petits bouts de film où une troupe de scouts aide 4 militaires en cavale à échapper aux gendarmes qui les poursuivent. J'enchaîne plusieurs versions que je m'efforce de rendre les plus vraisemblables possibles. La messe se termine. Monsieur et Madame Rienaffiche font signe à leurs enfants de les suivre et disparaissent sans même un sourire. Je demande à Paul et aux filles de m'attendre tranquillement sans bouger et je descends l'escalier au moment où je suis sûr de tomber sur Xavier qui sort avec ses scouts. 10 minutes plus tard, je remonte et donne de bonnes nouvelles à mes 3 compagnons. Les scouts acceptent de nous aider. Ils partent camper dans la forêt de Chailly au nord de la ville. C'est tout à fait notre route. Cela fait à peu près 1 heure de marche et nous pourrons marcher au milieu d'eux pour passer inaperçus. Cette marche qui se passe sans la moindre alerte est particulièrement pénible pour 3 d'entre nous. Seul Paul a des baskets aux pieds. Les autres, nous marchons en tongs. Et les tongs n'ont jamais été l'idéal pour faire de la marche à pied, si ce n'est peut-être chez les fakirs. Enfin, nous finissons par arriver au lieu du camp alors que le soleil se couche. Les scouts nous invitent à partager leur repas. Évidemment, tout nous pousse à accepter. Ils ramassent du bois mort et font un grand feu. Ils y installent 2 grandes gamelles posées en équilibre sur des bois qui brûlent. Une pour faire de la soupe en poudre, l'autre pour faire de la purée en flocons. Tout le dosage est fait au hasard sans aucune inquiétude sur la qualité du résultat final. Le feu est tellement vif que 2 grandes flammes montent autour des gamelles en interdisant l'accès aux cuistots. Des braises s'envolent en tous sens et retombent quelquefois dans notre dîner en préparation. On nous prête des quarts et une fourchette. Après le bénédicité, chanté en chœur, 2 scouts récupèrent la première gamelle au milieu des flammes et nous servent la soupe. Elle est brûlante et a un goût d'eau. Il faut enlever quelques petits morceaux de charbon qui flottent, mais c'est agréable de boire chaud. La purée est une sorte de béton sans vraiment de goût. Je me renseigne sur la recette. Un des cuistots m'explique. C'est qu'on n'avait pas de lait, on n'a mis que de l'eau. On aurait pu en mettre plus, mais on n'avait rien pour mesurer. Au moins ça cale le bide. Et puis Jean-Michel devait ramener du sel de chez sa mère, mais il a oublié. Je me force à avaler un maximum de purée béton avec des petits bouts de saucisses de Strasbourg. À l'origine, les saucisses étaient entières. Mais celui qui les a mises dans la purée n'a pas prévenu les autres qui, aveuglés par la chaleur et la fumée, sont venus touiller de toute leur force pour que ça crame le moins possible au fond. Un bout de camembert plâtre et une pomme concluent le repas. Si nous ne nous sommes pas régalés, au moins nous avons l'estomac occupé pour un bon bout de temps. Les scouts tiennent ensuite à ce que nous participions à leur veillée. Nous passons là un bon moment de détente. Et si, par expérience, je connais l'essentiel du répertoire scout, ce n'est pas le cas de mes compagnons qui découvrent que l'on peut bien s'amuser sans approcher ni même rechercher l'excellence. Chants, mimes, sketchs et jeux sont au programme. Nous terminons par un chant de prière autour d'une magnifique montagne de braise qui nous grille le visage. Pendant ce temps qui nous a semblé une perte de temps, surtout à Paul, Xavier s'est discrètement occupé de nous. Il nous donne une carte d'état-major avec une lampe de poche, un morceau de gros pain et 3 paires de chaussures. Il me prête ses propres chaussures de marche et 2 garçons dont les pointures correspondent passent les leurs aux 2 filles. Notre gourde d'eau est pleine, nous nous remettons en treillis. Au revoir, un grand merci aux scouts et bonne nuit. Bonne nuit à eux, car pour nous, la nuit risque d'être rude.